Va parler moteur et à Katanga. Va y aller la photo au canaï. Va l'inga casa sina na boca. Va misala misanga na boca. Va parler moteur et à Katanga. Va y aller la photo au canaï. Va l'inga casa sina na boca. Va misala misanga na boca. Va parler ma terre et à Katanga. Va y aller la porte au canaï. Va l'inga que ça c'est la naboka. Va misala misanga naboka. Yemba sa mele gemba baberta. Lelo yo, boyo kanamalam. Boulundu sangue na tisala. Lelo yo, bobongo la mitema. Ami si jaba na muteba. Lokola boye, boyo kanamalam. Boye, boye, kanamalam.